jettent leur paquetage, se suspendent au signal d'alarme des convois et passent quelquefois leurs gradés par les fenêtres des wagons. Le mouvement atteint une ampleur extraordinaire. Près de 400 000 hommes, soit les deux tiers des disponibles pour le service militaire, manifestent avec force leur opposition par des moyens divers. À plusieurs reprises, la population les soutient. Des femmes se couchent sur les voies ferrées. Dans la Drôme, dans l'Isère et l'Ardèche, comme à Vendôme et Vitry, des civils qui leur témoignent ainsi de leur solidarité sont arrêtés par centaines et condamnés, parfois, à de lourdes peines d'emprisonnement. Pas de contingent pour la guerre d'Algérie. Voilà leur exigence. Le mot d'ordre des comités, qui représentant diverses tendances de gauche, se constitue dans plusieurs grandes villes. Mais les actions menées au départ des soldats vers les bateaux, qui de Marseille doivent les transporter en Algérie, ne sont guère organisées, pratiquement pas coordonnées. Des militants communistes et libertaires, des membres de formations d'extrême gauche ou de la nouvelle gauche se dépensent sans compter. Pour la première fois, un groupe important de catholiques se désolidarise du gouvernement de leur pays. Pourtant, les forces politiques les plus influentes ne soutiennent pas réellement le mouvement. C'est le début du chapitre sur la guerre d'Algérie du livre de Michel Auvray, qui va montrer dans ce chapitre plusieurs types d'opposition, comme on a pu le voir dans cet extrait, plusieurs types d'opposition de la part des personnes mobilisées pour ne pas aller faire la guerre d'Algérie qui fait rage déjà depuis 1954, qu'on appelait une opération de police, et qui était une véritable guerre. Du coup, voilà, il va montrer encore une fois qu'il y a plein de gens qui ont décidé de ne pas participer à cette guerre, qui essayaient de se révolter contre ça, mais en fait c'était assez difficile. Il y a pas mal de personnes qui sont allées en prison. Et une fois qu'elles y étaient, c'était hyper compliqué de ne pas assister à toutes les exactions commises pendant cette guerre, quoi. Du coup, cette simple opération de maintien de l'ordre a vu énormément de personnes être appelés contre leur gré à participer à ce truc-là. Il y a même un type qui disait que en fait ils y étaient allés très armés et tout ça, et que en fait ils se sentaient complices de ce qu'ils faisaient, même s'ils n'avaient pas d'armes, quoi, complices à maintenir l'ordre, etc. Voilà, donc on pourrait en parler plus. Michel Auvray, il parle aussi de la torture, il parle du manifeste des 121, du coup qui... Hop, je peux lire la conclusion du manifeste 121, qui dit ça, qui a été signé par pas mal de personnalités à l'époque. La conclusion de ce manifeste, c'est « Nous respectons et jugeons justifié le refus de prendre les armes contre le peuple algérien. Nous respectons et jugeons justifié la conduite des Français qui estiment de leur devoir d'apporter aide et protection aux Algériens opprimés au nom du peuple français. La cause du peuple algérien, qui contribue de façon décisive à ruiner le système colonial, est la cause de tous les hommes libres. De toutes les personnes libres. » Voilà, donc en un chapitre, il nous résume pas la guerre d'Algérie du tout, il nous parle de différentes façons qu'ont pu avoir les gens de protester. Et pendant toute cette période, il y avait toujours des gens en prison parce qu'ils refusaient de faire le service militaire, ils refusaient de prendre les armes. Et d'ailleurs, on avait clos le chapitre d'avant en parlant de l'objection de conscience. Si vous vous rappelez, dans le procès de Nuremberg, en fait, on avait accusé les gens de ne pas avoir utilisé leur conscience lorsqu'on leur demandait de participer à des trucs atroces. Peut-être que là aussi, ça peut s'appliquer justement. Très peu de temps après les procès de Nuremberg, encore une fois, il y a énormément de gens qui ont décidé d'utiliser leur conscience pour ne pas participer à ces exactions, ou qui ont tenté de le faire au risque d'aller en prison, au risque d'être abattus aussi par leur propre gradé. Et ça, ça a été pendant énormément de temps le combat d'un certain Louis Lecoin, un anarchiste, pour faire sortir de Tol. Lui-même a passé plus de 12 ans en prison parce qu'il refusait le service militaire, et il a continué le combat pour les autres, pour les faire sortir de prison. Et donc le chapitre d'après chez Michel Auvray, il parle encore De ce fameux statut, quoi. Il faut sortir les objecteurs de prison, disait Louis Lecoing. Et au sortir de la guerre d'Algérie, il va, malgré son âge avancé, entamer une grève de la faim. Que ses potes lui disent que c'est un peu inconscient d'entamer une grève de la faim à son âge, mais il va l'entamer pour réclamer que les personnes qui sont objecteurs de conscience puissent sortir enfin de prison. Et enfin, il obtiendra la signature d'un statut d'objecteur. Et ce sera pas. Alors comment il le dit lui? Tout ce combat pour ça ou un statut. Je me rappelle plus comment il le dit. Une fois que l'objection est légalisée. Eh ben, en fait, qu'est-ce qu'on va faire de ces objecteurs, quoi ? Il faut quand même que l'État... le paragraphe, il s'appelle « Tant d'efforts pour une telle loi ». Ben ouais, parce que il faut quand même que l'État occupe plutôt les jeunes qui refusent de faire le service et qui bénéficient de ce statut d'objecteur. Alors, il faut savoir que quand il a été voté, ce statut d'objecteur, il était interdit de faire de la propagande en faveur de la loi. En faveur du statut. On connaît bien l'adage « Nul n'est censé ignorer la loi ». Et bien, en fait, il y avait une loi qui interdisait à ce qu'on fasse de la pub pour une autre loi. C'est quand même incroyable. Et ouais, en fait, ce statut, il était très peu connu. Il y avait des clauses hyper restrictives pour pouvoir y bénéficier. Et donc, en fait, tout ce travail pour ça, tout ce travail pour ce statut, déjà, c'était un des premiers constats qu'on pouvait tirer de la confiance qu'on pouvait avoir en l'État quand on lui demande quelque chose, quoi. Bon, ça, c'est peut-être une considération personnelle. Mais il n'empêche que le combat de Louis Lecoing, il a mené à ce statut. Comment a-t-il été utilisé ? Comment il a été utilisé dans les années qui ont suivi ? J'ai déjà dit qu'il y avait très peu de personnes qui arrivaient à prendre connaissance de ce statut, malgré énormément de luttes, justement, des antimilitaristes qui prenaient des risques pour populariser ce statut, tout en le critiquant aussi, parce que... Alors là, il va nous parler, Michel Auvray, des personnes qui ont été incorporées à l'ONF. Bon, j'ai fait un gros écart dans le bouquin de Michel Auvray. Je le fais un peu rapidement, j'ai pas eu le temps de bosser suffisamment cette émission, mais on va s'en tirer. Alors, une petite citation qui nous vient de la sécurité militaire. L'indice le plus sérieux de perversion parmi les jeunes consiste en un accroissement du nombre des objecteurs de conscience, dont certains évoquent maintenant des motifs politiques pour justifier leur position. Alors on rappelle que le statut d'objecteur a été arraché. On pouvait invoquer d'un motif religieux ou philosophique, mais pas d'un motif politique pour justifier notre position contre le fait de prendre les armes ou le fait d'obéir à l'armée. Et du coup, vu que... Ah, c'est Debré qui disait ça ? Moi, je sais plus. Vu qu'il y a de plus en plus de jeunes qui refusent de faire le service, on va les envoyer à l'ONF, l'Office National des Forêts. Et en fait, ça va pas leur plaire non plus... Le 7 mai 72, une centaine de nouveaux objecteurs réunis à Lyon décident d'envoyer au ministère de l'Agriculture, dont dépend l'ONF, une lettre l'informant de leur refus catégorique. Une affectation collective et obligatoire, quelle qu'elle soit, ne peut leur permettre de concrétiser les idées qui ont été à l'origine de leur refus du service militaire. Parce qu'ils vont s'apercevoir qu'ils vont être dans une forme d'encadrement qui va être très similaire à un encadrement militaire, quoi. Et d'ailleurs, même, il y en a qui vont devoir construire un abri pour des agents de l'ONF et ils vont se rendre compte que possiblement ça va être utilisé par l'armée en fait après. Donc bon, en fait qu'est-ce qu'il conteste ? Finalement il conteste d'obéir à des ordres et de servir d'une manière qui est militarisée, quoi. Il y en a même qui iront plus loin Ah oui, alors un truc qu'il fallait dire, c'est que à l'intérieur de l'ONF, du coup, l'État se rend compte qu'il y a des réunions, des réclamations, des contestations, etc. Donc, en fait, finalement, le décret de Brégançon, qui a été fait par le chef de l'État, va dire que les objecteurs en service sont considérés comme des citoyens qui ne doivent participer à aucune réunion de caractère politique ou syndical. Ils deviennent des employés auxquels toute réclamation collective, toute cessation concertée du travail, ça c'est la grève, hein, sont interdites. Ben, comment faire les jeunes qui sont à l'ONF ? Immédiatement, ben, ils vont faire grève et ils vont faire des réunions politiques parce qu'en fait, s'ils sont là, principalement, c'est parce que politiquement, ils ne voulaient pas servir l'armée. Donc, ils vont essayer de mettre des bâtons dans les roues à l'administration qui, en se réunissant, en faisant grève, en faisant porter leur parole, en étant soutenus par des comités de soutien aux objecteurs, vont faire savoir leur sort et leurs conditions qu'ils refusent, quoi, tout simplement. Et beaucoup vont déserter de leur service civil en tant qu'objecteurs de conscience. Donc c'est assez intéressant. On voit que la période a été hyper riche en débats théoriques et aussi en actions directes et en solidarité envers les personnes qui désertaient, qui devaient se cacher, parce que du coup, elles étaient considérées comme déserteurs, quoi. Et il y a eu pas mal de débats entre les milieux, mais ça on l'avait déjà dit l'émission précédente, entre les milieux libertaires et catholiques, qui refusaient peut-être pas le service militaire pour les mêmes raisons. Alors on a dit qu'ils étaient privés de tout droit politique, mais qu'ils avaient des devoirs, et peut-être qu'on peut lire une partie de leur tract ici. Alors, un tract. Ah oui, contre ce bénévolat imposé par le pouvoir qui tend ainsi à masquer les besoins d'effectifs des différents secteurs en employant des jeunes pour des sommes dérisoires. Ne pouvant que comprendre pleinement le refus d'une affectation arbitraire qui mutilerait leur individualité et leurs conditions de travailleurs, ils apportent leur soutien aux revendications des objecteurs. Oui, du coup, là, c'est un tract des syndicats des chercheurs scientifiques, des fédérations des affaires culturelles, de la santé et de l'agriculture, qui soutiennent les objecteurs en ce qu'ils sont pas libres de leur mouvement et du service qu'ils veulent faire, quoi. Alors on voit qu'ils vont développer plein d'astuces pour lutter contre leur sort, quoi. Et par exemple, un texte qu'on lit dans le mensuel Survivre et Vivre, toujours en 72, marche droit, ferme ta gueule et sois content. Le service militaire est un film qui ne fait plus tellement rire. Il n'est, en fait, rien d'autre qu'un grotesque facteur d'intégration à cette société pourrie, transformant l'individu en citoyen pantin docile qui, toute sa vie, se laissera larvèrement dévaliser, vidé de ce qu'il y aura de meilleur en lui, sa libre créativité, son besoin d'amour fou, son désir d'employer son temps et son énergie de la plus passionnante manière. Nous préférons colorer nous-mêmes notre personnalité et demanderons la liberté, donnée à tous ceux qui le désirent, de ne pas faire le service militaire. On est toujours sur Radio Duo 89.5 FM. J'avais besoin de changer de page pour retrouver une anecdote. Et là, on va changer de sujet. On va parler des personnes qui ont été engagées très très tôt, vous allez voir. Et ça va nous permettre de faire Un petit big up aux jeunes actuellement qui refusent le service national universel. C'était à la page 372 qu'on peut lire l'anecdote du cas de Kinar. Enfant, il est passionné par les avions et rêve, comme tant d'autres, de devenir pilote. À 14 ans, il écrit à Sud Aviation et reçoit pour réponse une documentation des services de recrutement de l'armée de l'air. Comme nombre d'adolescents, il désire fuir le foyer familial et tenté par la promesse de grosses sommes d'argent. Retenez bien ça parce qu'on va en parler, on va parler d'un autre bouquin qui s'appelle « Mauvaise troupe » et qui nous parle de ces jeunes justement en quête de fuite du foyer familial et d'argent par exemple. Ça s'appelle « Mauvaise troupe, la dérive des jeunes recrues de l'armée française ». Allez, je reprends. « Comme nombre d'adolescents, ils désirent fuir le foyer familial et tenter par la promesse de grosses sommes d'argent. À l'âge de 15 ans, il entre en école militaire. Bien sûr, pilote, il ne le devient pas. Et peu à peu, notamment à l'occasion d'un stage dans une école civile des PTT, il prend conscience de la nature de l'armée. Il découvre la non-violence et finit par ne plus accepter de participer à l'institution militaire, qui maintenant lui répugne. Après avoir demandé à démissionner pour des motifs éthiques, il décide délibérément, 3 mois avant que ne se termine son contrat de 7 ans, de déserter. Il décide de déserter publiquement pour dénoncer l'embrigadement des jeunes et plus précisément le phénomène révoltant qu'est celui des contrats non rachetables signés par des mineurs. Et pour tenter d'empêcher que des jeunes ne se fassent berner comme il l'a été, il se lance dans une action qui va connaître un grand retentissement. Séjournant au Larzac, rencontrant des objecteurs, il parcourt le pays pour témoigner, se servant de sa situation de déserteur pour sensibiliser l'opinion. Soutenu dans sa démarche par des sous-officiers d'active, il tient de multiples réunions et suscite de nombreuses prises de position dont la presse se fait l'écho. Ainsi, quand il est arrêté en avril 1977, les protestations se développent telles au point que les autorités le libèrent 1 mois plus tard. Mieux, un collectif d'anciens engagés se regroupe autour de lui pour demander l'interdiction des contrats militaires aux mineurs et le droit réel à la résiliation sur simple demande à tout moment. Rapidement, le ministère en vient à céder en partie, à partir de décembre 1977, tous les jeunes qui ont souscrit avant leur majorité un engagement dans l'armée de l'air peuvent, dans le mois qui suit leur 18e anniversaire, résilier leur contrat. Ce délai est plutôt limité, et bien que le temps effectué jusqu'alors ne soit pas déductible de celui du service national, le succès obtenu encourage le collectif à intensifier son action. Lorsque Jean-René Kinar est traduit devant le tribunal militaire de Metz le 18 octobre 1978, son procès marque une nouvelle étape de la campagne. 9 témoins, parmi lesquels figurent 2 militaires de haut rang, viennent à la barre dénoncer les conditions d'engagement. Devenue publique, trop publique, au goût du pouvoir, la désertion du sergent Kinar se voit soudainement transformée en un simple acte d'indiscipline qui ne vaut à son auteur que la peine de 3 mois de prison, assortie de sursis. On est insoumis parce qu'on refuse de passer 1 an de sa vie dans une caserne, coincé dans un uniforme, dépersonnalisé par un matricule et vidé de nous-mêmes par la hiérarchie. On a envie de vivre, avant tout. S'insoumettre, c'est décider une fois pour toutes de refuser tout ce système de course au profit et de croissance sans but et sans frein. C'est vouloir assumer dès maintenant sa destinée, sans le concours de chef, sans le concours d'expert. C'est refuser de déléguer ses pouvoirs à quelque échelon que ce soit. C'est exiger que soit véritablement pris en compte l'avis du peuple sur les problèmes qui le concernent. Terminer ce livre, en fait, cette recension du bouquin au bout de 3 épisodes, par presque la conclusion, ouais, c'est pas loin de la conclusion, un paragraphe qui s'appelle Conscription de points au-delà des mythes. Parce qu'en fait, du coup, en terminant son bouquin, j'imagine qu'il se dit bon, bah voilà, en fait, j'ai fait une histoire du refus du service militaire. Mais en fait, dans les forces de gauche, par exemple, on va nous dire que le service militaire, ça peut être un argument pour dire que le peuple peut prendre les armes pour se révolter. Mais lui, il va dire que on ne peut pas assimiler cette forme particulière de recrutement des armées à une organisation spontanée que s'est donnée le peuple à certains moments de son histoire. Il y a une distance que d'aucuns se complaisent à franchir allègrement. La véritable force d'une population en armes n'a jamais reposé sur la contrainte, l'obéissance aveugle, mais plutôt sur l'adhésion collective, déterminée et volontaire à l'autodéfense de la communauté. Alors, le service militaire, c'était plutôt destiné à fournir des soldats à l'armée, une institution centralisée, détentrice de la force publique. Et donc du coup, pas vraiment pour la révolte et l'insoumission. Alors, il y avait peut-être besoin de le souligner. Ce livre, il a été édité en 83, donc avant qu'il n'y ait plus de service militaire. Donc, il a besoin de rappeler ça. La lutte antimilitariste était encore farouchement ouverte contre l'État et le régime militaire, quoi. Ah, d'ailleurs, enfin, pas contre le régime militaire, mais d'ailleurs, en parlant de régime militaire, on a aussi un autre mythe qui va dire que bah, c'est peut-être mieux que le peuple fasse partie de l'armée, parce que comme ça peut éviter des dictatures militaires. Et bah, il va prendre l'exemple du Chili, par exemple, et dire que le coup d'État au Chili, la conscription, le fait qu'il y avait des conscrits et donc le peuple en armes, n'a pas empêché le coup d'État au Chili. Et malheureusement, il va citer des moments de révolte, notamment le plus célèbre dont j'ai déjà parlé en 1907, cette mutinerie du 17e régiment qui a refusé, et même qui a rejoint des manifestants et refusé de tirer dessus. Mais sinon, c'est tout, quoi. La conscription, eh ben, son rôle, c'est de faire obéir, certes, le peuple, entre guillemets, en armes, mais surtout de le faire obéir, quoi. Et donc, du coup, il casse un peu ce mythe du peuple en armes et d'un rempart contre les coups d'État, parce que bah, malheureusement, on peut voir que la conscription, elle n'a pas empêché certains coups d'État. Alors, je voulais terminer par deux autres choses en parlant de ce bouquin. Encore un insoumis qui parle de manière ironique. Qu'est-ce qui justifie de faire son service entre 18 et 21 ans? S'il y a des raisons de servir effectivement la communauté humaine, alors ce doit être un service de toute notre vie. C'est mépriser le français que de ne pas reconnaître dans les faits que leur vie, leur travail de tous les jours est une contribution valable à l'effort commun de notre société. Il faut renverser les rôles. Si ce que nous faisons pendant 40 ans de notre vie n'est pas utile, alors c'est cela qu'il faut changer. Et non pas nous demander de faire un ou deux ans de compensation. Il ne doit exister que des emplois utiles, et alors, en eux-mêmes, ils sont une occasion de service. J'avais trouvé ça assez drôle que du coup on nous demande de servir, effectivement, servir la communauté humaine, pourquoi pas, mais faisons-le toute notre vie, quoi, plutôt que de servir à l'armée. Et enfin, les dernières lignes de Michel Auvray, qui nous dit ça. Le passé relaté, sombre, apparaît l'avenir, notre avenir. Le militant se doit dès lors de prendre le pas sur l'historien, et l'auteur, Michel Auvray, s'interroge. N'est-il pas enfin temps de mettre un terme au ravage incommensurable de l'obéissance ? N'est-il pas temps de considérer l'insoumission des individus comme un réflexe salutaire, l'objection comme un acte responsable ? Il est temps aussi d'imaginer que l'insurrection des consciences puisse devenir une impérieuse nécessité. Toujours sur Radio Duo 89.5 dans l'émission J'irai pas, une émission antimilitariste tous les premiers mercredis du mois. C'est simple, quand vous entendez la sirène à midi, eh ben c'est qu'à 17h, il y aura J'irai pas, l'émission antimilitariste, en guise de contre-pied. Alors, on a terminé cette recension du livre de Michel Auvray qui s'appelait Objecteurs, Insoumis, Déserteurs, Histoire des réfractaires en France, qui commençait depuis les premiers chrétiens jusqu'à 1983. Peut-être qu'il a pu voir la fin du service militaire, enfin plutôt en 97, la suspension du service national. Ce n'est pas une suppression, c'est une suspension. Et j'avais prévu de vous lire, de vous faire une petite recension d'un autre bouquin qui s'appelle « Mauvaise troupe, la dérive des jeunes recrues de l'armée française ». Alors pour le coup, celui-là, il est un peu plus contemporain puisque parce qu'il n'y a plus de service militaire, qu'il a été édité en 2019 et qui nous parle de ces jeunes recrues qui ont été recrutés par l'armée. Et qui racontent leur dérive, quoi. En fait, ce sont deux journalistes, Justine Brabant, dont on a parlé, mais je vous dirai... On n'avait pas dit son nom, mais je vous dirai pourquoi on en a parlé. Et Leïla Mignano. Alors, Leïla Mignano, on n'en a pas parlé, mais peut-être que ça peut être intéressant de se rapprocher de ses écrits. Elle a écrit, entre autres, « La guerre invisible sur les violences sexuelles dans l'armée française ». Et elle a co-dirigé un projet d'investigation sur le viol comme arme de guerre qui a été publié par Mediapart. Ça nous donne un indice sur la deuxième autrice de ce livre, Justine Brabant, mais on en parlera après. Pour l'instant, une très courte recension de ce bouquin qui n'est pas à mettre entre toutes les mains, mais quand même. C'est-à-dire qu'en fait... Finalement, ce sont des personnes très jeunes qui se sont engagées dans l'armée. Et finalement, on peut quand même conseiller aux personnes jeunes qui jouent aux jeux vidéo, qui sont sur les réseaux sociaux, qui voient comment c'est trop bien l'armée. Ben, finalement, elles pourraient aussi voir l'envers du décor de la part de ces mêmes jeunes qui jouent aux jeux vidéo, sont sur les réseaux sociaux et cherchent, comme on vous le disait quand on parlait du sergent Kinard, qui cherche parfois à sortir du cadre familial, à ramasser un peu de sous, pourquoi pas aussi à se former. Et ben là, dans ce livre « Mauvaise troupe », on a un petit retour, on va dire, sur certaines de ces personnes qui ont vu des exactions terribles. Alors là, c'est au Mali ou en Centrafrique qu'elle est allée enquêter, qu'elles sont allées enquêter pendant des guerres horribles où toutes les guerres sont horribles, mais où les militaires français ont été envoyés et qui ont vu des atrocités qu'on va peut-être pas citer à la radio, mais qui en reviennent bouleversés, quoi, et qui en reviennent déserteurs, quoi. En fait, elle explique que ces personnes qui signent, elles ont le plus grand mal à sortir de l'armée. Et donc, la façon la plus simple, de l'aveu même de leur chef, officier, c'est de déserter, quoi. C'est de partir en permission et de ne pas revenir. Et lorsqu'elles partiront en permission et qu'elles ne reviendront pas, elles seront jugées au tribunal des affaires militaires. Et elles prendront des peines, souvent avec sursis, parce qu'elles expliquent bien leur situation, mais des peines de prison avec sursis. Et ce qu'elle raconte aussi, c'est ce qui se passe avant, quoi, entre les deux, entre le recrutement et la désertion ou leur démission. Entre les deux, ça va être des choses horribles, comme j'ai déjà dit, mais ça va être aussi l'ennui. Parce qu'en fait, après 2015, il y a eu un petit boom de recrutement. Et beaucoup de ces personnes vont... parader, l'arme à la main, pour ce qu'on appelle toujours les opérations sentinelles. Et elles vont raconter qu'elles vont être très mal loties, elles vont s'ennuyer énormément, et ça va être l'ennui qui va les pousser aussi à partir, quoi. Quand ce ne seront pas les atrocités. Et du coup, elle parle beaucoup du phénomène d'alcool et de drogue aussi, qui, soit l'ennui, soit les atrocités d'ailleurs, vont être favorisées à l'intérieur de l'armée. Elle parle d'un, à un moment d'un trafic de drogue assez rocambolesque où personne ne prendra trop cher parmi les chefs et où les autres, de toute façon, vont décider de quitter l'armée parce que, eh ben ouais, parce qu'en fait, les jeunes qui vont être recrutés, bah, ils viennent des quartiers nord de Marseille, donc en fait, c'est eux qui vont prendre quand ils vont être jugés devant le tribunal, donc forcément, ce seront eux les dealers, alors que plutôt, ce sera leur chef. Et du coup, ils vont être dégoûtés à la fois de l'armée et aussi de la justice française, quoi, et du racisme qu'il peut y avoir dans les tribunaux. Une chose aussi en mission, en opération extérieure, comme ils disent, ça va être la prostitution, et du coup, qui s'apparente dans beaucoup de cas à des viols. Et en fait, les journalistes vont aller enquêter, voir des prostituées qui étaient, par exemple, pendant l'opération Sangaris. Elles vont se rendre compte que, eh ben, en fait, les salaires des personnes qui, des travailleuses du sexe, quoi, vont énormément diminuer lorsque ce seront des Français, des militaires français qui vont être là. Et en fait, ça va contribuer à les rendre encore plus misérables, quoi, parce qu'en fait, elles vont devoir accepter des sommes de plus en plus basses face à ces militaires français. Et on a des témoignages aussi de militaires qui sont presque pas honteux de ce qui se passe, eu égard à la rémunération des personnes, quand tu les compares en euros et en francs CFA, ni à l'âge des personnes, quand ce sont des jeunes personnes africaines ou si c'était par exemple leur propre fille. Voilà, du coup ça c'est assez édifiant aussi dans ce bouquin là. On va parler, elles vont parler de meurtre aussi, où en fait il va y avoir des règlements de compte entre les militaires français et des habitants de Centrafrique notamment, où pour des histoires de trafic, vont régler des comptes et torturer des personnes. Donc on est plus dans la guerre d'Algérie, mais ça existe toujours. Voilà, du coup, des personnes qui sont autour de ces camps militaires vont être torturées par des militaires français, du coup, en opération en Centrafrique. Là, c'était en Centrafrique à ce moment-là. Voilà. Et voilà ce qu'on peut dire sur ce bouquin. Je pense que ça, c'est assez parlant à ces époques de SNU. Et d'ailleurs, elle parle beaucoup des réseaux sociaux et de ce qui se passe sur Internet. Je vais vous passer un extrait, peut-être que vous allez reconnaître. J'espère que vous allez bien, c'est Timon Chup et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui les gens, nous sommes en Guyane et plus précisément en plein milieu de la forêt, dans la Pampa. Autour de nous on a des serpents et des mygales. Dans cette vidéo, je vais suivre pendant 24 heures des jeunes qui font le SNU. SNU, ça veut dire le Service National Universel. C'est ce qui remplace le service militaire et qui va remplacer la journée d'appel. Dans quelques années, le SNU sera obligatoire pour les jeunes d'environ 16 ans. Dans cette vidéo, vous allez découvrir plein de choses. Des animaux bizarres, de nouveaux meilleurs amis, une nuit dans la jungle, et nous ne sommes pas tout seuls, nous sommes accompagnés du secrétaire d'État, monsieur Gabriel Attal. Gabriel qui doit mettre en place le SNU suite à la demande du président de la République. Vous êtes prêts? C'est parti! Faites du bruit pour la compagnie 2! Bon voilà, on peut s'arrêter là. On a vu Gabriel Attal avec un joli t-shirt blanc. Gabriel Attal qui n'est plus secrétaire d'État chargé à la jeunesse, mais qui est Premier ministre. Voilà, et vous avez peut-être reconnu la voix ou l'accent de Thibaut InShape, un YouTuber qui passe son temps soit au SNU, comme dans cet extrait de vidéo, soit avec la BAC, avec le JIGN, à l'armée, à la Légion étrangère, à l'internat, le 14 juillet, etc. Et du coup, ça en devient un propagandiste de l'armée et de l'uniforme, quoi. Sur Radio 2, j'avais entendu parler de Thibaut InShape parce qu'il participait en tant qu'influenceur pour les Jeux Olympiques. C'était dans l'émission Gaming et Politique. où des personnes, enfin les animateuristes de l'émission, nous parlaient de Thibaut InShape comme collabo aux Jeux Olympiques et de d'autres influenceurs dont je n'ai pas retenu les noms mais qui ont l'air célèbres. Lui, il a l'air d'avoir de l'audience et donc, je ne sais pas s'il est payé, mais très probablement il doit être payé en tant qu'influenceur par rapport au SNU et à l'institution militaire en général. Et alors j'ai oublié de vous parler de Justine Brabant. Vous vous demandez qui c'est Justine Brabant? Bah c'est l'autrice du coup du livre Mauvaise Troupe, mais elle est aussi journaliste à Mediapart et elle avait sorti un article qui parlait de l'intelligence artificielle utilisée par Israël pour déterminer quelles étaient les cibles à bombarder. Après, il ne suffisait plus que d'appuyer sur un bouton. En gros, c'est la machine qui te désigne qui tu dois bombarder. Tu lui dis OK. Et elle bombarde. C'est assez effrayant cet article, on en avait parlé le mois dernier. Et voilà, ben en fait, on se rend compte que ça fait un moment qu'elle suit, elle suit les choses militaires. Et vous me direz, Israël et l'intelligence artificielle, vu les exactions qui sont commises actuellement au Proche-Orient, ben c'est loin de nous, etc. Ben non, c'est pas loin de nous, pour deux raisons. Ben tiens, la première sur Disclose. Alors là, subtilement, on est passé d'une recension de bouquins aux actualités. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Sur le site Disclose, on peut voir que la France livre, du matériel militaire à Israël. Ce sont des petits crochets qui vont joindre les balles des mitrailleuses qui sont exportées vers Israël. Et alors, bien sûr, la France se dédouane de toute responsabilité du génocide en cours en disant il y a une clause qui dit qu'Israël doit absolument réexporter ces petits crochets de munitions et ne pas les utiliser. C'est bizarre parce que, comme nous le disent les journalistes de Disclose, en fait, ça correspond très bien à leur mitrailleuse à elle, quoi. À l'armée israélienne. Et je trouve pas l'article. Voilà, c'est ça. Il date du 25 mars. Et il s'appelle « Guerre à Gaza. La France a fourni en secret des équipements de mitrailleuses à Israël ». Je vous invite à aller voir. Du coup, ce sont les journalistes de Disclose et de Mars Actu qui ont investigué et à qui on a fourni des photos des liens M27 pour des munitions de 5,56 mm pour des mitrailleuses quoi, qui étaient au port de Marseille pour être envoyées vers Israël et qui ont été envoyées vers Israël. Voilà. Du coup, bah non, en fait, les guerres en général, finalement, se fabriquent près de chez nous. Et toujours en parlant de l'intelligence artificielle et d'Israël, eh ben, on peut voir un certain écho pour Sébastien Lecornu, ministre des Armées, qui a annoncé le mi-mars la création, avant l'été, d'une agence de l'intelligence artificielle de défense. Alors on pourrait penser qu'il a été inspiré par Justine Brabant pour se dire ah « bah attends, les Israéliens ils font de l'intelligence artificielle militaire, eh ben nous aussi, eh ben ouais, voilà, du coup... je pense que ça, c'est avec un budget de 10 millions d'euros, je crois, pour même plus que ça, pour faire de l'intelligence artificielle de défense. Il a annoncé ça à Polytechnique à Paris et il a nommé à sa tête Bertrand Rondepierre, un ancien polytechnicien qui est passé par la DGA, la Direction Générale de l'Armement, et par la branche de Google spécialisée dans l'intelligence artificielle, la branche de Google qui s'appelait DeepMind. Et du coup, maintenant, il est à la tête de la future agence de l'intelligence artificielle de défense. Voici pour quelques actualités. On en a encore un petit peu, mais on va passer une petite chanson. You gotta die, gotta die, gotta die for your government, die for your country, that shit. You gotta die, gotta die, gotta die for your government, die for your country, that shit. Je ne veux pas que les baisers se payent, ni que le sang se vende, ni que s'achète la brise, ni que se loue le souffle. Je ne veux pas que brûle le blé et que manque le pain. Je ne veux pas qu'il y ait du froid dans les maisons, qu'il y ait de la peur dans les rues, qu'il y ait de la rage dans les yeux. Je ne veux pas que dans les lèvres soient enfermés des mensonges, que dans les coffres soient enfermés des millions, que dans la prison soient enfermés les gens. Je ne veux pas que l'on divise en parts la terre, que dans la mer on taille des empires, que dans l'air on agite des drapeaux, que sur les vêtements on porte des insignes. Je ne veux pas que mon fils défile, que les fils de mère défilent, le fusil et la mort sur l'épaule, que jamais tirent les fusils, que jamais on fabrique de fusils. Je ne veux pas que truc ou bien machin veuille m'en imposer, que le voisin d'en face me casse les pieds, qu'on pose sur moi des affiches ou des timbres, qu'on force par décret ce qu'est la poésie. Je ne veux pas aimer en cachette, pleurer en cachette, chanter en cachette. Je ne veux pas qu'on me ferme la bouche lorsque je dis « je ne veux pas ». C'était un poème de Angela Figuera Emmerich, une Espagnole, qu'on m'a transmis en me disant que ça faisait bien écho à la chanson « J'irai pas, je ne veux pas ». Et donc à cette émission. Pour finir cette partie d'actualité, je ne veux pas qu'un décret me dise qu'on force par décret ce qu'est la poésie, eh ben on pourrait regarder le décret du 28 mars 2024 relatif à la sécurité des approvisionnements des forces armées et des formations rattachées qui a été publié au journal officiel le 28 mars 2024. Ce décret détermine les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut ordonner, d'une part, la constitution d'un stock minimal de matières, de composants, de pièces de rechange ou de produits semi-finis stratégiques pour des entreprises titulaires d'une autorisation de fabrication et de commerce de matériel de guerre, d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A et B. Et d'autre part, se termine Ce décret détermine, pardon, la réalisation de certaines prestations ou obligations par priorité sur tout autre engagement contractuel par des entreprises ayant conclu avec elles un marché de défense et de sécurité. Du coup, ce décret a l'air de correspondre à un décret de réquisition, quoi. En fait, le Cornu, il dit que les réquisitions promises par la loi de programmation militaire qui a été adoptée cet automne peuvent être des réquisitions de personnel, de stock ou d'outils de production. Donc, en gros, on pourrait réquisitionner, d'après ce décret peut-être, hein, il faudrait le lire, il date du 28 mars, il n'est pas si vieux, on pourrait réquisitionner tout ou partie d'usines, mais aussi d'employés, pour fabriquer des stocks militaires, quoi. Alors le Cornu, ministre des Armées, nous rassure, ce n'est pas l'outil prioritaire au moment où je vous parle, mais je vous dis que ce décret existe. Sébastien Lecornu envisage en revanche dans les toutes prochaines semaines d'imposer à certains industriels des niveaux minimaux de stock de manière à produire plus rapidement ou d'exiger qu'ils accordent la priorité à la commande militaire face aux besoins civils. Du coup, en fait, on voit bien que ce décret prépare le fait qu'on va devoir prioriser la production et en fait, ça va de pair avec une foule, mais vraiment une foule d'articles actuels dans à peu près toute la presse qui disent que, par exemple, MBDA, fabricant de missiles, doit produire plus, il a de plus en plus de commandes. MBDA, c'est un des fabricants de missiles qui sert, par exemple, au missile M51 sur lequel on peut visser, comme ça, une bombe atomique. Et en fait, plein d'autres industriels de l'armement qui pourraient être, non seulement ils vont travailler plus vite parce qu'ils ont plus de commandes, mais qui pourraient être forcés à le faire. Et d'ailleurs, pour conclure à la fois cette émission et ce sujet par rapport aux productions d'armes, on a le communiqué de presse du CIPRI, le Stockholm International Peace Research Institute, qui nous permet de claironner fièrement, cocorico, que la France est désormais le deuxième pays exportateur d'armes dans le monde. Voilà. Du coup, la France est passée devant la Russie, dont les exportations, on le comprend, ont chuté. Et du coup, derrière les Américains qui restent les plus gros exportateurs d'armes au monde. Et donc, l'économie de guerre a l'air de bien se porter en France. Voilà, cocorico. On pourrait en dire plus, mais l'heure est passée. Donc on va se quitter en écoutant peut-être une dernière chanson. Et le mois prochain, le premier mercredi, ce sera le 1er mai. Donc c'est pas sûr que je sois là. Mais au plus tard, on se retrouve le premier mercredi du mois de juin. En attendant, à bas l'armée, vive l'amitié, à bas la guerre et vive la lutte. Le Larzac restera, notre terre servira à la vie. De canon, jamais nous ne partirons. De gré de force, nous garderons l'Arzac. De gré de force, nous garderons l'Arzac. Et bien des livrets militaires firent demi-tour au ministère. Le Larzac est terre de paix. Non-violence est l'arme de guerre. Des Indiens et des Irlandais sont venus pour nous rencontrer. On ne parle pas la même langue, mais on parle le même combat. Le Larzac restera, notre terre servira à la vie. Des moutons, pas de canon, jamais nous ne partirons. De gré de force, nous garderons l'Arzac. De gré de force, nous garderons l'Arzac. La bergerie de la Blaquière, malgré le veto du préfet, est faite par des volontaires. Tous ceux qui ne veulent plus de guerre refusons de payer l'impôt qui s'en ira à l'armement.